Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette Eman. Dai Nanawa. L'imagination, pour moi, c'est important. Je viens de me dire que j'aurais bien aimé être ta sœur. Nakata s'en souvient parfaitement. Il n'a pas rêvé. On pensera que c'est moi qui ai le cerveau dérangé. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Septième épisode. Dis-moi, Kafka Tamura, quel âge aurait ta sœur maintenant? 21 ans, 6 ans de plus que moi. Sa main serre doucement ton pénis dur comme la pierre. Tu aimerais la revoir? Peut-être. Peut-être? Sa main se resserre un peu sur ton sexe. Qu'est-ce que ça veut dire, peut-être? Tu n'as pas tellement envie de la revoir, alors? Je saurais pas quoi lui dire. Et puis, peut-être qu'elle a pas envie de me voir, elle. C'est la même chose pour ma mère. Peut-être qu'elle n'a pas envie de me voir. Personne ne m'attend, personne ne me désire. Elles sont parties, non? En te laissant derrière elle. En me laissant derrière elle. Tu as envie de jouir? Peut-être. Peut-être? J'ai très envie. Qu'est-ce que... Sésame et Mamselle Mimi, vous êtes là, toutes les deux. Nakata s'était endormie. Excusez-moi, Nakata ne comprend pas bien ce que vous dites. Nakata n'a mal nulle part. Nakata peut bouger ses bras et ses jambes normalement. Nakata se souvient bien pourtant. Il vient de tuer Johnny Walken, le tueur de chats, avec un grand couteau pour sauver la vie de Mimi et de Sésame. C'est ça. Très bien. Frappe-moi sans hésiter. Bravo. Nakata s'en souvient parfaitement. Il n'a pas rêvé. Le sang l'a éclaboussé pendant qu'il frappait. Des gens saigneront. Et toi aussi, tu saigneras. Un sang chaud et rouge coulera. Johnny Walken s'est effondré à terre, roulé en boule, mort. Les souvenirs de Nakata s'arrêtent là. Ensuite, il s'est laissé tomber sur le canapé et a perdu connaissance. Et maintenant, il se retrouve allongé dans le terrain vague, en pleine nuit. Comment est-il revenu ici? Il ne connaissait même pas le chemin. Et il n'y a pas une goutte de sang sur ses vêtements. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des autres. La preuve qu'il n'a pas rêvé, il est entouré de Mimi et de ses âmes. Seulement, Nakata ne comprend plus ce qu'elles disent. Oh, Nakata n'arrive pas à réfléchir. Miaou, miaou. Vous pouvez rentrer seule chez vous, n'est-ce pas, mamzelle Mimi? C'est juste à côté d'ici. Nakata ne comprend pas très bien pourquoi il ne peut plus parler avec vous, mademoiselle Mimi. Mais au moins, ses âmes est retrouvée. Nakata va la ramener chez les Koizumi. Tout le monde l'attend avec impatience. Je vous remercie bien de votre aide, mademoiselle Mimi. Elle non plus n'a pas la moindre tache de sang sur le pelage. Je suis vraiment désolée de vous déranger aussi tard, madame Koizumi. Nakata aurait préféré venir plus tôt, mais il n'a pas eu le choix. Aucune importance. Vous en faites pas pour ça. Vous auriez pu venir à n'importe quelle heure. Sésame est un membre de la famille, vous savez. Nous sommes tellement heureux de l'avoir retrouvé. Vous voulez boire un thé? Non, non. Nakata prend congé tout de suite. Nakata voulait juste vous ramener Sésame le plus vite possible. Tenez. Ce n'est pas grand-chose, mais nous tenons à vous remercier d'avoir retrouvé Sésame. Merci beaucoup. J'accepte avec joie. Mais comment avez-vous fait pour la retrouver comme ça, dans la nuit? Oh, c'est une longue histoire. Nakata ne saurait pas vous raconter parce qu'il n'est pas très intelligent. Il n'est pas très à l'aise avec les longues explications. Ça ne fait rien. Je ne sais comment vous remercier, monsieur Nakata. Ah, oui. Voici les restes du dîner. J'ai là des aubergines grillées et du concombre au vinaigre. Vous en voulez? Ma foi, si vous insistez, Nakata adore les aubergines grillées et le concombre au vinaigre. Sakura, je peux te demander quelque chose? Quoi? Est-ce que je peux t'imaginer toute nue? Tu veux m'imaginer toute nue pendant que je te fais ça? Oui. J'essaie de m'en empêcher depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Tu ne peux pas t'en empêcher? C'est comme une télé que j'arriverai pas à éteindre. Je comprends pas. Tu peux très bien fantasmer sur moi sans rien me dire. Et sans me demander la permission, non? Je peux pas savoir à quoi tu penses de toute façon. Justement, ça m'ennuie. L'imagination, pour moi, c'est important. Je me suis dit que je ferais mieux de te demander l'autorisation. T'es drôlement poli, dis donc. T'as peut-être raison, c'est mieux de demander. D'accord. Je t'autorise à m'imaginer toute nue. Merci. Alors, je commande dans ton imagination. Canon. Je Excusez-moi. Bonsoir. Que puis-je pour vous ? Je viens de tuer un homme. Ah. Asseyez-vous là. Oui. Alors, comme ça, vous avez tué quelqu'un ? Oui, tout à l'heure, avec un couteau. Nous disons donc homicide volontaire à l'arme blanche. Vos noms et adresses pour commencer. Je m'appelle Satoru Nakata, j'habite à... Un moment, comment s'écrit votre nom ? Nakata ne sait pas écrire et ne sait pas lire non plus. Vous êtes totalement illettré ? Vous savez pas écrire votre nom ? C'est exact. Il était revenu dans le monde ordinaire, la tête complètement vide. Pareil à une feuille blanche. Jusqu'à l'âge de 9 ans, je savais lire et écrire, mais j'ai eu un accident et j'ai tout oublié. Je suis devenu idiot. Alors, en ce cas, on peut pas remplir le formulaire. Hein. Si vous savez même pas comment s'écrit votre nom... Je suis désolé. Il y a personne chez vous ? Pas de famille ? Nakata est tout seul. Il n'a pas de famille. Il ne travaille pas. Il vit de la pension que lui donne le préfet. Ouais, écoutez, il est tard. Vous devriez rentrer dormir tranquillement chez vous. Revenez demain. Vous vous rappellerez mieux après une bonne nuit de sommeil. Nous en reparlerons à ce moment-là. Non, monsieur l'agent. Nakata tient à tout vous raconter tant qu'il s'en souvient encore. Demain, j'aurais peut-être oublié des détails importants. Nakata se trouvait dans le terrain vague du bloc 2. Il recherchait le chat Sésame à la demande de la famille Koizumi. Un gros chien noir est arrivé sans prévenir et a emmené Nakata chez lui. Une grande maison avec un long portail et une voiture noire garée devant. Là, j'ai rencontré un homme qui disait s'appeler Johnny Walken. Il était coiffé d'un étrange chapeau noir très haut et son frigidaire était plein de têtes de chats. Cet homme capturait les chats, leur coupait la tête... leur manger le cœur et ensuite ils fabriquaient des flûtes avec leurs âmes. Johnny Walken a tué Kawamura avec un couteau sous les yeux de Nakata et il a tué plusieurs autres chats aussi. Il leur a ouvert le ventre avec un couteau et il voulait faire la même chose avec Mamzen Mimi et ses âmes. Alors Nakata a pris un couteau et a tué Johnny Walken. Walken avait demandé à Nakata de le tuer, mais Nakata n'avait aucune intention de le faire. Il voulait juste empêcher Johnny Walken de continuer à tuer les chats. Seulement, son corps a refusé de lui obéir. Son corps s'est mis à agir contre sa volonté. Nakata a pris un couteau qui se trouvait là et a frappé la poitrine de Johnny Walken une fois, deux fois, trois fois. Johnny Walken est tombé par terre et il est mort. Il était couvert de sang. Nakata aussi était couvert de sang. Nakata n'a jamais prononcé autant de mots à la suite. Il a l'impression que sa tête est complètement vidée. Vous serez bien aimable de transmettre tout cela au préfet. J'espère qu'il continuera à verser ma pension. Très bien. Je transmettrai au préfet. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Désolé de vous avoir ennuyé aussi longtemps. Transmettez-lui aussi mes salutations. Oui, j'y manquerai pas, oui. Et surtout, vous inquiétez pas, hein. Et rentrez dormir sur vos deux oreilles. À propos, vos vêtements, là, sont drôlement propres pour un assassin. Vous avez dit que vous étiez couvert de sang, non ? Tout à fait, tout à fait. À vrai dire, Nakata lui-même trouve ça fort curieux. Il y avait du sang partout, c'est vrai, mais quand je me suis réveillé, il avait disparu. Plutôt étrange, non ? En effet, ouais, c'est étrange. Ouais. Au fait, monsieur l'agent, serez-vous de service demain soir ? Oui, je travaille ici demain soir. Pourquoi ? Même s'il fait beau, vous feriez mieux de prendre votre parapluie. Entendu, je prendrai mon parapluie. Il va tomber des poissons du ciel comme s'il en pleuvait. Des sardines, je pense. Mais il y aura peut-être aussi quelques maquereaux. Des sardines et des maquereaux, oui. Non mais, dans ce cas, il vaudrait mieux ouvrir son parapluie à l'envers, hein, pour recueillir les poissons. Et de cette façon, on pourra préparer du maquereau au vinaigre. Le maquereau au vinaigre est un des plats préférés de Nakata. Mais demain, à cette heure-là, Nakata ne sera plus là. Excuse-moi. Ce n'est rien. Je t'ai aidé à te relaxer, c'est tout. Ça me gêne un peu que tu t'excuses tout le temps, tu sais. C'est juste une partie de ton corps, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Tu te sens un peu soulagée ? Très. Tant mieux. Je viens de me dire que j'aurais bien aimé être ta sœur. Moi aussi, j'aurais bien aimé que tu le sois. Je vais dormir maintenant. Retourne dans ton sac de couchage. J'ai du mal à dormir avec quelqu'un à côté de moi. Et puis, j'ai pas envie de sentir un truc dur contre ma cuisse dès l'aube. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Bonjour à tous. Un événement tout à fait extraordinaire s'est produit aujourd'hui vers 18h dans l'arrondissement de Nakano. Environ 2000 poissons sont soudain tombés du ciel, sans le moindre signe précurseur. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Notre envoyé spécial s'est aussitôt rendu sur place pour interroger quelques riverains qui se trouvaient là au moment de la pluie de poissons. Oh, vous auriez vu ça ? Les poissons sont tombés du ciel, comme de la grêle. Et vous, madame ? Moi, j'ai reçu un poisson sur la tête. Une nageoire dorsale de maquereau m'a ouvert la joue. Heureusement, c'était des maquereaux et des sardines. Imaginez un peu les dégâts si ça avait été une pluie de sardines et de maquereaux. Oh, c'était un spectacle quasiment apocalyptique. Et vous savez quoi ? Exactement comme l'avait annoncé cet étrange vieux bonhomme. Inutile de préciser que l'impact psychologique de cet événement a été énorme. Et comment s'appelait-il déjà ? Une enquête de police a bien sûr été ouverte, mais à l'heure où impossible de me souvenir de son nom. Expliquer comment ces poissons ont pu tomber du ciel. Ah, et moi qui me suis contenté de rigoler et qui n'ai noté ni son nom ni son adresse. Il va tomber des poissons du ciel comme s'il en pleuvait. Des sardines, je pense. Mais il y aura peut-être aussi quelques maquereaux. Si je vais voir mes supérieurs en leur expliquant qu'un drôle de vieux bonhomme s'est présenté hier soir au poste de police et a prédit une averse de poissons, mais qui me croira ? On pensera que c'est moi qui ai le cerveau dérangé. Cependant, la police a immédiatement averti la population du danger qu'il y avait à consommer ces poissons d'origine inconnue dans la mesure où ils pouvaient contenir une substance nocive. Bonjour monsieur, là vous faites lier des poissons malgré les recommandations. Ce vieil homme est venu se constituer prisonnier. Il affirmait avoir tué quelqu'un. Et moi qui ne l'ai pas pris au sérieux, je n'ai même pas noté l'incident sur la main courante. Les services de voirie du quartier ont envoyé des véhicules pour nettoyer les rues. Qui est-il censé avoir tué déjà ? Pour empêcher les voitures d'y circuler. Un type du nom de Johnny Walken. Rendant la chaussée glissante pour les vélos. Oh, si jamais c'est vrai, alors là, j'aurais de sérieux ennuis. Quand je me réveille, Sakura est déjà partie travailler. Il est 9h. Mon épaule ne me fait presque plus mal. Sakura m'a laissé un petit mot sur la table de la cuisine, avec le journal du matin et une clé. J'ai regardé les infos à la télé à 7h et suis sortie acheter le journal. Aucun crime ou incident sanglant n'est signalé dans la région. Je suis sûre que ce sang, ce n'était rien de grave. Tant mieux. Il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Mais sers-toi. Prends tout ce que tu veux. Si tu n'as pas d'endroit où aller, tu peux rester chez moi quelque temps. Mets la clé sous le paillasson si tu sors. Si je reste chez Sakura, je vivrai en état d'érection et de fantasme permanent. Je ne pourrai pas éternellement détourner le regard des slips noirs en train de sécher dans la salle de bain. Et je ne pourrai pas lui demander sans arrêt la permission de l'imaginer toute nue. Et surtout, tu n'arriveras jamais à oublier ce qu'elle t'a fait la nuit dernière. Cher Sakura, merci beaucoup de ton aide. Je suis désolé de t'avoir réveillée au milieu de la nuit avec mon coup de fil, mais tu étais la seule personne sur qui je pouvais compter. J'aimerais bien rester, mais je pense qu'il vaut mieux que je te laisse tranquille. Je ne peux pas t'expliquer en détail pourquoi, mais j'ai mes raisons. J'espère que tu me garderas un peu de sympathie pour la prochaine fois où j'aurai besoin de ton aide. Pour être franc, je ne crois pas mériter ta sympathie. Je m'efforce de devenir quelqu'un de bien, mais j'ai beaucoup de mal. J'espère que je me serai un peu amélioré la prochaine fois que je te verrai. Mais j'en suis pas si sûr. Merci beaucoup pour cette nuit. C'était merveilleux. Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlan. Adaptation Juliette Eman. Septième épisode. Avec Igor Menjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Alexia Monduit, Sakura. Et les voix de Arthur Ribaud, Quentin Bayou, Philippe Magnan, René Farabé, Agnès Belkadi, Laurent Lederer, Jérôme Moreau-Marron, Anne Basset, Valia Boulet, Marie Mosser, Romain Cotard, Michael Pinelli, Mustapha Abourachid. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Broire, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.